pas mal. J'suis focus, fais pas une couille. T'oublier, moins d'erreurs dans nos rangées. J'suis cool, me faites pas zapper. Un trouble fait ici, j'y ai même pas songé. À voir, t'oublieras d'abord pour boire. Aucun pourboire pour la pute. J'veux voir si tu vas loin pour ta répute. Le faire vite fait flemme, j'regrette les deux pixels. Elle demande ma top discrète. J'vais te demander de faire deux trois trucs pour WAM. On t'insulte pour R et t'as l'espoir d'être avec nous. Lions en secteur technique avec nous. Parle pas d'ethnie, on rêve d'être libre. Tape un goofy dans la foule. On opère à 10 ou plus et d'ici peu ça pète. Le faire vite fait flemme, j'regrette les deux pixels. Elle demande ma top discrète. Le faire vite fait flemme, j'regrette les deux pixels. Elle demande ma top discrète. Ridiamo e scherziamo, ma Jolly ci prende la mano. Un cancello e riprendo da capo. Sono il futuro, tu ancora fai il vago. Ancora grezzo, brillo ad ogni pezzo. Se passi in raffineria faccio un macello. E non è niente da dire, prendere tutto e partire. Siamo una forza, tu non puoi capire. Lento la squadra, tu non puoi capire, no. Provi a stare dietro i miei piani, progetti che diventano reali. Sfondiamo le porte senza le chiavi, sei tu che mi hai dato le ali. Le faire vite fait flemme, je regrette les deux pixels. Elle demande ma top discrète. Le faire vite fait flemme, je regrette les deux pixels. Elle demande ma top discrète.